X-Prod. Changement d'ambiance, frère. MC, qu'est-ce que tu comptes faire? Surveille tes gens talus dans ma rue, c'est pas le plus fort qui gagne, mais celui qui agit avec ruse ou avec arme. Je crois que j'ai un côté rouge, nage dans la tise avec des balles, mon foie. Mais pour mon juste, si t'es BR, on se médaille. Ça fait trop longtemps que ça dure, dans la même merde, sans maille. Sur ma feuille, 30 000 ratures. Je suis cette racleur qui prend le mic, violente nature, parce que la vie ça laisse des marques. Au début, on faisait pas ça pour la thune, c'est toujours ça les balles. Quand social et la fracture, contraint à partager les parts. Moi, je balance du rap, dur faux MC, tu peux que les barres. Je suis présent, faut que ça dure, ou bien que je creuse l'écart. Comme un cross sur mon avenue en roue arrière. J'attire les regards, ouais, ça vaut la texture. Avant que ça reparte, en attendant, je colmate mes blessures avec des rimes crades. Et dis-moi combien veulent ma peau. Je suis pas dans le vice, je suis pas dans le game. Donc écarte les fâches comme une envie de pirater l'antenne et livrer de vrais messages. Expert en piraterie, j'ai aucun flow périssable. Et c'est le calme avant l'urie. Ken, donc vas-y, reste calme. Je prépare que des tueries, genre drive by en RS4. Non, je reste ça autourmi au micro, j'ai le discours véritable. 30 fois 1000 endormis, des puristes dans des coins véricrates. Je reste loin de leur rap comique, leur trip véribataire. Je sais dans mon anatomie. Même plus ceux qui parlent à chaque joint que j'atomise, c'est un de mes rêves qui en fumait pas. Profiter du calme 2014, je défère la vie. Je compte bien faire ma place comme les TGC sur les murs de ma ville.